北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 听众朋友，你们好，欢迎您继续收听法语三百句节目，我是彭文娟。 Bonjour, chers amis, je suis Marc. Comment allez-vous? 在今天的节目中，我们将一起来学习第21课，看看怎样同意和拒绝。 Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 21, consentir, refuser. 在学习新的内容之前，我们先听一段小对话。Bonjour, Marc.Où vas-tu? Je vais en France pour la nouvelle année. Ah bon, je souhaite que tout aille bien pour toi pendant la nouvelle année. Merci, moi aussi. J'espère que nous pourrons nous revoir bientôt en France. C'est une bonne idée. 在上面的小对话中，我们复习了关于感谢和祝愿的一些表达法，其中也学到这是个好主意这个短语。 C'est une bonne idée. 在日常生活中，我们不断地与别人交流，发表意见。当您的看法与对方的一致时，可以说 Je suis d'accord avec vous. 我同意您的看法。Être d'accord avec quelqu'un, 意思是同意某人的看法。 Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. 同意别人的看法也可以用这样一个句子。 C'est une bonne idée. 这是个好主意。在这儿 idée是主意的意思，这个单词也可以放在改变主意这个短语里。改变主意用法语说就是 changer d'idée。 C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. 当您完全同意对方的看法时，可以用这样一个句子。 Je crois que vous avez tout à fait raison. 我认为您说的对，直译就是您完全有道理。 Je crois que vous avez tout à fait raison. Je crois que vous avez tout à fait raison. 如果您觉得对方的建议合理，可以接受，就可以说 Nous sommes prêts à accepter votre proposition. 我们准备接受您的建议。Être prêt à faire quelque chose 是准备好做某事的意思。 Nous sommes prêts à accepter votre proposition.Nous sommes prêts à accepter votre proposition. 表示同意还有另外一种句式。 À mon avis, votre opinion est bien raisonnable, donc je suis d'accord. 我认为您的意见完全合情合理，因此我同意。À l'avis de quelqu'un 是根据某人的意见的意思。Être raisonnable 是合情合理的意思。 À mon avis,Votre opinion est bien raisonnable, donc je suis d'accord. À mon avis, votre opinion est bien raisonnable, donc je suis d'accord. 好，现在我们把这段内容连起来读一下。 Je suis d'accord avec vous. C'est une bonne idée. Je crois que vous avez tout à fait raison. Nous sommes prêts à accepter votre proposition. À mon avis, votre opinion est bien raisonnable. Donc, je suis d'accord. 我们再读一遍。 Je suis d'accord avec vous. C'est une bonne idée. Je crois que vous avez tout à fait raison. Nous sommes prêts à accepter votre proposition. À mon avis, votre opinion est bien raisonnable. Donc, je suis d'accord. Thank you. 众朋友，您现在收听的是法语三百句。刚才我们介绍了一些有关同意的说法，现在我们来学习如何拒绝。如果您的意见与对方不同，您可以说 À ce propos, j'ai une opinion différente. 对此，我有不同的看法。Avoir une opinion sur quelque chose, 意思就是有不同的看法。 À ce propos, j'ai une opinion différente. À ce propos, j'ai une opinion différente. 有时候，我们不仅会与对方有不同的看法，甚至会觉得对方错了。在这种情况下，可以这样说 Je crois que vous avez tort dans cette affaire. 我认为在这件事情上您错了。Avoir tort 是错了的意思，与刚才的 avoir raison 意思正好相反。Dans cette affaire 是在这件事情上。 Je crois que vous avez tort dans cette affaire. Je crois que vous avez tort dans cette affaire. 当您怀疑对方可能弄错了，您就可以用这样一个句子 Vous vous êtes trompé peut-être. 您大概弄错了。Se tromper 是弄错的意思。Peut-être 表示也许可能。 Vous vous êtes trompé peut-être. Vous vous êtes trompé peut-être. 当您觉得对方的看法是无法接受的时，可以说 Tout de même, je ne peux pas vous approuver. 我仍然不能同意您。Approuver quelqu'un, 意思是赞同某人的意见。 Tout de même, je ne peux pas vous approuver. Tout de même, je ne peux pas vous approuver. Hey Marc, 我们明天一起去看电影怎么样？ Je voudrais bien y aller, mais je suis vraiment très occupé. 我很想去，可是我实在没有空。Vraiment 是副词，在句中起强调的作用，意思是实在。 Je voudrais bien y aller, mais je suis vraiment très occupé. Je voudrais bien y aller, mais je suis vraiment très occupé. 下面我们来复习本课所学到的内容。我们首先复习有关同意的句子。Être d'accord. Je suis d'accord avec vous. Une bonne idée. C'est une bonne idée. Avoir raison. Je crois que vous avez tout à fait raison. Être prêt à faire quelque chose. Nous sommes prêts à accepter votre proposition. À l'avis de quelqu'un. À mon avis, votre opinion est bien raisonnable, donc je suis d'accord. 下面我们复习有关拒绝的句子。Avoir une opinion différente. À ce propos, j'ai une opinion différente. Avoir tort. Je crois que vous avez tort dans cette affaire. Se tromper. Vous vous êtes trompé peut-être. Approuver. Tout de même, je ne peux pas vous approuver. Vraiment. Je voudrais bien y aller, mais je suis vraiment très occupé. 好，听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了，感谢您的收听。咱们下次节目再见。 Chers amis, merci de votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir. 这次的外语实用口语三百句讲座节目播送完了。Oh, beautiful release. Memory seeps Escaping one last time.